En échange des renseignements qu'il va donner, il demande à Glenarvan d'être laissé sur une île déserte du Pacifique, où il pourra toujours être récupéré en cas de mensonge. Il est réellement Tom Ayrton, quartier maître de Britannia, mais comme il s'était révolté, il fut débarqué sur la côte ouest de l'Australie et devint, sous le nom de Ben Joyce, chef des convicts, avant de se présenter à la ferme irlandaise et de trouver l'occasion de s'emparer d'un navire. Quant au capitaine Grant, il sait seulement qu'il avait l'intention de visiter la Nouvelle-Zélande. Bien, Ayrton, dit Lord Glenarvan, vous avez tenu votre parole, je tiendrai la mienne. Retournez à votre cabine. Ce scélérat aurait pu être un homme, dit le major. Oui, répondit Glenarvan, c'est une nature forte et intelligente. Pourquoi faut-il que ses facultés se soient tournées vers le mal? Mais, Harry Grant, je crains bien qu'ils soient à jamais perdus. Pauvres enfants, qui pourrait leur dire où est leur père? Moi, répondit Paganel. Oui. Vous, s'écria Glenarvan, vous, Paganel, vous savez où est le capitaine Grant? Oui, autant qu'on peut le savoir, répondit le géographe. Et par qui le savez-vous? Par cet étonnant document. Ah, fit le major du ton de la plus parfaite incrédulité. Écoutez d'abord, Manab, dit Paganel. Vous hausserez les épaules après. Je n'ai pas parlé plus tôt, parce que vous ne m'auriez pas cru. Puis c'était inutile. Mais si je me décide aujourd'hui, c'est que l'opinion d'Ayrton est précisément venue appuyer la mienne.